rappeler moi un monde qui m'a déjà voué. Moi qu'a songé, pas ni si bien longtemps. L'amour t'a saisi moi, envahi tu es en moi, pour toujours. Moi tellement, tellement timide, ça qu'a empêché moi de dire qui moi aimé. Tellement